organization of African Unity has been amongst one of our strongest supporters. Not only have they given us a spiritual support, they have given us material support to ensure that our struggle eventually triumphs. We will certainly, as a liberated South Africa, apply for membership of the OAU, and I have no doubt that it will be accepted. Africa has produced eminent leaders and who are coping very well against all the legacies of colonialism which have created problems in the development of Africa, and will be able to make a contribution towards helping the greater Africa to resolve its problems, both on a continental basis and on a national basis. And I think that the advent of liberation in South Africa will be a significant development insofar as we'll use our advantages in order to help to resolve the problems of all African countries. L'Organisation de l'Unité africaine a été l'un de nos soutiens les plus forts. Non seulement elle nous a apporté un soutien spirituel, mais aussi elle nous a apporté un soutien matériel pour que notre lutte finisse par triompher. L'Afrique du Sud libérée va demander son adhésion à l'OUA et je suis sûr que cette demande sera acceptée. L'Afrique a produit des leaders éminents. Ils ont très bien su faire face à tous les héritages du colonialisme qui ont créé des problèmes pour le développement de l'Afrique. Ils seront capables d'apporter une contribution pour une plus grande Afrique, de résoudre ces problèmes au niveau continental et au niveau de chaque pays. Et je pense que la libération qui s'est réalisée en Afrique du Sud constituera une avancée importante dans la mesure où nous pourrons mettre à profit notre expérience pour aider à résoudre les problèmes de tous les pays africains. La chaleur de ces remerciements ne doit pas faire oublier, dans les années qui précèdent, la diversité des réactions au sein de l'organisation face à cette crise sud-africaine. Écoutons en 1971 le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny.